des yeux couleur océan. Brun tes cheveux couleur vent. Rouge ton cœur couleur sang. Grise ton âme couleur encens. Elle cherche l'amour dans ses rêves. Elle cherche l'amour et crois-moi. Elle cherche l'amour dans mes rêves. Ne cherche plus, je suis là. Couleur étoile sur ton visage. Couleur du temps suit ton image. Couleur vivante du sourire. Couleur amour, je te dis. Elle cherche l'amour dans ses rêves. Elle cherche l'amour et crois-moi. Elle cherche l'amour dans mes rêves. Ne cherche plus, je suis là. Tu cherches l'amour dans tes rêves. Tu cherches l'amour et crois-moi. Tu cherches l'amour dans mes rêves. Ne cherche plus, je suis là. Je suis là. Je suis là.